I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn you're now listening to music. El padre de la noche, Mike T. Préviens ton voisin. Et dis à ton voisin de prévenir son voisin. Confession. Laisse-moi écrire 2-3 bêtises sur vos gueules enfarinées. J'expertise. Je te complimente, tu crois que je pactise. Je me sens mal dans ma peau tant qu'il y a platise. Refrais dans ma revers. Check man ne me fait pas de bise. Point côté de rappeur, j'en place par 10. C'est l'heure que c'est nous, on arrive sévère. Toujours en indétif, les mecs qui pèsent à mort. Y'a que ton compte Facebook qui est blindé. Rien qu'une belle bande d'estropillés. Je les laisse trop crier. Laisse faire, c'est nous les gros piliers. Laisse donc les gros filer. Leur musique est inappropriée. On va les horrifier. NZ Mike D6Z, le code postal est profilé. Oh, j'rappe avec mes primates. J'rappe avec mes syndicats. Tu veux le beau, tu donnes la patte. Moi j'suis pas là pour gratter 10 gemmes. J'ai l'intention de faire taire les anciens et tuer dans l'œuf tous les petits jeunes. Pour rapper maintenant dealer, faut la tête d'un Beatles. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. Ni vu ni connu musique, j'en ferai une usine de classique. Sort électrique, préviens ta clique. Depuis que j'ai 16 piges pratique. Mes kicks à ma rythmique, ma musique fixe et mécanique. Ton thème, tu gênes personne. T'es sur la route de personne, t'es personne. Subtilité versus susceptibilité. Comme si c'était des légos, des places aux égaux. Tu peux rester assis, mon son est parasite. Appelle nous parasites, parasites. Quand je casse des carrières, le démo oculaire c'est parasique. La concurrence, je la choque. En open mic, je la croque. Je la croque, Fox, MC, rap sans froc. Tu ne sais pas c'est quoi une mesure. C'est pas c'est quoi la sacelle. Mais à moi, tu te mesures. Et tu sincère, tu sais ça. M'occupe pas comme Sosa. NZ c'est la télé, ça. On le veut, ils oublient de bosser. Se poser pour penser. Avant même qu'il ait écrit, je peux deviner leur couplet. Dis leur Mike T. Confession d'un 2-3.